L'Amérique de Franz Kafka, traduit et adapté par David Zein Meyrowitz. Septième épisode. Dans un quart de minute, je veux te voir passer devant ma loge et quitter l'hôtel. Quand tu portais l'uniforme de l'hôtel, tu avais l'air de quelqu'un, quelqu'un qu'on a envie d'admirer. Mais maintenant, dans ces vêtements qu'on n'ose porter qu'en Europe, tu es vraiment minable. Enlevez vos sales pattes. Et maintenant, dégage. Je suis gravement blessé. Il n'y a que toi pour me soigner. Pas question. Mais si, regarde. Ils m'ont envoyé cette voiture avec un chauffeur pour nous emmener chez Delamarche et Brunelda. Tu vas voir quelle belle vie nous allons avoir ensemble. Comme au bon vieux temps. Et avec Brunelda. Allez, viens, monte. Brunelda. Karl Rossmann, 17 ans, allemand de Prague, est contraint de faire face à la réalité américaine. Il a perdu sa place de liftier à l'hôtel occidental. Il n'aurait jamais imaginé être licencié comme ça, si vite, alors que pendant 2 mois, son service a été irréprochable. Mais ici, en Amérique, cela n'est pas pris en considération. Ce qui compte, c'est le jugement qui sort de la bouche d'un accusateur dans un déchaînement de rage. Regarde, Rossmann. Là-haut, sur le balcon à côté de Delamarche, une grosse femme en robe rouge, l'ombrelle dans une main, la lorgnette dans l'autre, nous regarde arriver avec beaucoup d'attention. C'est sûrement Brunelda. Mais regarde où ils habitent, Rossmann. C'est la banlieue, ici. C'est silencieux, moche. Partons vite avant qu'il ne soit trop tard. Adieu, Robinson. Je m'en vais. Mais comment ça, Karl? Tu vas pas nous quitter, quand même? Si, je ne reste pas ici. Adieu. Hé, pas si vite, jeune homme. Il y a la note à régler. Je vous ai déjà payé, chauffeur. Le tarif du trajet, oui. Mais j'ai pas compté le temps d'attente devant l'hôtel. Tout à fait! Tu m'as fait attendre très longtemps là-bas. Maintenant, il faut lui donner davantage. Et je n'ai plus rien. Je n'ai même pas pris le temps de récupérer mon salaire à l'hôtel. Désolé. Je peux tout de même pas le demander à votre ami, dans l'état où il est. Vous devez me régler, jeune homme. C'est bien toi, Rossmann! Oh non. Delamarche s'en mêle. Tu es cuit. En plus, regarde. Il y a un policier qui observe tout ce qui se passe. Robinson est avec toi! Oui! Descends tout de suite! En robe de chambre violette avec un énorme foulard de soie. Dans la rue. Mais il a beaucoup changé quand même. Bien rasé, propre, des muscles apparents, fier de lui-même, presque élégant. Tu vois, Rossmann, Delamarche, ça oui, c'est un vrai camarade. C'est pas comme toi. Enfin, bon voilà. En effet, voilà. Robinson semble à première vue un peu KO, mais il pourra monter l'escalier avec ton aide, Delamarche. Et ce chauffeur exige davantage pour un trajet que j'ai déjà payé, mais je n'ai plus d'argent. Alors je m'en vais. Bonsoir à tous. Ah, tu ne t'en vas nulle part. Eh ben c'est exactement ce que je lui disais. Tu ne peux pas me retenir. Et moi, je te dis le contraire. Et moi, je répète, je m'en vais. Arrêtez. Ton nom? Karl Rossmann. Rossmann. Papier? Ils sont dans ma veste. Et où est ta veste? À l'hôtel. Alors ça, c'est malheureux pour toi. Papier d'identité dans sa veste, veste à l'hôtel. Donc voilà ta première confrontation avec l'administration américaine, Rossmann. Tout d'abord, il répète chacun de tes mots et ensuite, instamment, il te suspecte d'être un malfaiteur. Et pourquoi Delamarche ne vient-il pas à ton secours? Depuis la voiture, Robinson l'encourage à le faire, mais il reste les mains dans les poches, à siffler comme si de rien n'était. Tu travailles quelque part? J'ai été liftier. Été, donc tu ne l'es plus. Et maintenant? Je vais chercher un autre emploi. Ce qui veut dire que tu viens de perdre ton travail? Il y a une heure. Alors, parti sans veste, c'est-à-dire licencié sur le champ? Comme partout dans le monde, et même ici en Amérique, l'administration cherche à vous faire exprimer à haute voix ce qui est évident et qui saute aux yeux. Tu travaillais dans quel hôtel? Ne le lui dis pas, Rossmann. Il va t'y reconduire. Imagine-toi, escorté par la police qui va interroger le concierge principal, le maître d'hôtel, la chef cuisinière, ou pire, Thérèse. Non, tu ne réponds pas, quelles qu'en soient les conséquences. Alors? Hôtel occidental, officier. Non, c'est faux. Vous connaissez ce garçon? Bon, malheureusement, officier. Par le passé, j'ai été son ami. Mais je n'ai pas eu en retour beaucoup de reconnaissance de sa part, comme vous pouvez facilement vous en douter, après avoir procédé à son interrogatoire. Tout à fait. Il est de toute évidence très têtu. Oh, mais il est bien pire que ça, officier. Figurez-vous que mon copain, là, dans la voiture, et moi-même, nous l'avons trouvé sur notre route. Il était complètement désespéré. Nous l'avons récupéré, guidé, nous lui avons appris comment trouver du travail. Eh bien, une nuit, comme un voleur, il a disparu, comme ça. Et dans des circonstances dont je vous épargnerai des détails ignominieux. Merci, monsieur, pour tous ces renseignements. En tout cas, je vais le ramener avec moi à l'hôtel Occidental, pour vérifier s'il n'a pas volé quoi que ce soit en partant. Oh, j'aurai une autre solution à vous proposer, officier. Confiez-moi ce malfaiteur pour que je puisse régler d'abord mes affaires avec lui. Et par la suite, je vous le ramènerai personnellement à l'hôtel. De la marche, artisan. Voici ma carte de visite. Ça alors ? Pourquoi proposer cette solution ? C'est très suspect. Pourtant, de la marche se laissera plus facilement persuader que le policier de ne pas te ramener à l'hôtel. Et si vraiment il insiste pour te raccompagner là-bas, ce ne sera pas aussi grave que d'être escorté par un agent de police. Malgré tout, de la marche reste donc ta seule chance. Je suis désolé, je ne peux pas vous le confier. Allons-y, jeune homme. Attendez, monsieur l'officier. Rossmann n'a pas été licencié, j'en suis témoin. Je ne sais pas pourquoi il a avoué ça. Il a un très bon poste de liftier et il est le chef respecté du dortoir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Licencié. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été blessé à l'hôtel. Gravement, hein, comme vous pouvez le constater vous-même. Et Rossmann a simplement quitté son poste pour venir à mon aide et me ramener ici. Et s'il a oublié sa veste, c'était à cause de l'urgence de la situation. Voilà, maintenant vous savez tout. Étrange. Pourtant, je vais le ramener à l'hôtel pour vérifier ce que vous dites. Allez. Rossmann, tu ne peux ni retourner à l'hôtel, ni rester ici. File. Tu as de la chance, Rossmann. Nous sommes dans un quartier populaire. Les ouvriers ne vont sûrement pas aider l'officier à t'attraper. Mais regarde, voilà un autre agent qui vient en sens inverse. Tu ne vas pas pouvoir t'échapper. Vite, prends cette petite ruelle transversale. Pas un mot, calme-toi. C'est un très bon exercice physique de se faire courser par les flics. Mais à ce jeu-là, t'es plutôt minable. J'étais fatigué avant même de commencer à courir. En tout cas, sans moi, il t'aurait facilement rattrapé. Mais maintenant, tu es complètement en sécurité. L'immeuble où nous vivons est relié à celui-ci par des cours intérieurs. Les flics ne sont pas prêts de nous retrouver dans ce dédale de corridors et d'escaliers. Tu vois, tu me dois déjà beaucoup, Rossmann. Plus que beaucoup. Qu'est-ce que tu ferais sans de la marche, espèce de petit Allemand ? Perdu, Rossmann. Nous sommes bien tranquilles ici. Et il ne peut en être autrement puisque Brunelda ne supporte pas le moindre bruit. Tu connais Brunelda ? Oh ben, non, évidemment pas encore. Mais je te conseille de te faire aussi petit qu'une souris et d'éviter de faire le moindre bruit en sa présence. C'est encore où ? Oui, tout en haut, au dernier étage. Comme ça, nous sommes à l'abri de toute visite importune. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Tiens, voilà le malade. Robinson, devant la porte, espionnant par le trou de la serrure et toujours en caleçon. Comment est-il monté tout seul dans son état ? Elle dort, Brunelda ? Je pense pas. Mais je voulais t'attendre quand même avant d'entrer. Il faut d'abord vérifier si elle dort ou non. Elle est assise sur le canapé. Mais c'est difficile de savoir si elle dort. Elle est malade ? C'est que tu la connais pas, Rossmann. De toute façon, je vais pas attendre pour faire sa connaissance. Je vais reprendre mon chemin. Oh, tu ferais mieux de changer d'attitude, Rossmann. Sinon, tu risques d'avoir de gros ennuis avec moi. Silence ! Vous allez réveiller Madame Brunelda. À 2h de l'après-midi, je lui rends service, espèce de clodo. Mais qu'est-ce que vous faites dans le couloir ? Vous bloquez le passage, là. Dégagez. En tout cas, moi, je sais ce que vous faites. Un de ces quatre, je vais vous dénoncer aux flics. Comme ça, vous me foutrez la paix définitivement. Allez, disparaissez tout de suite. De la marche, laissez ces jeunes femmes tranquilles, elles ne vous ont rien fait. Il n'y a rien à voir dans tout cela, ça ne te concerne pas, Rossmann. Ferme-la. Et vous deux, là, hein, descendez-moi cet escalier, et vite, avant que je ne vous le fasse dévaler moi-même, à coups de pied dans le derrière. C'est honteux de traiter des jeunes femmes ainsi. De la marche, c'est toi ? Tu vois, maintenant tu l'as réveillé. De la marche. Oui, Brunelda, ma chère, on peut entrer ? Oh, oui. Thank you. Difficile de croire que quelqu'un habite ici. Aucune lumière, portes et fenêtres fermées, store baissé, et ça sent la poussière. En même temps, tu parviens quand même à voir qu'il y a des vêtements un peu partout, suspendus n'importe comment, ainsi que des meubles en trop grand nombre, dont trois grandes armoires en plein milieu, le tout installé de telle façon qu'il est presque impossible de bouger. De la marche, quelle chaleur. J'étouffe. Et si j'ouvrais un peu les rideaux ? Oh non, pas question, ce serait pire pour moi. Tu veux que je te dégrafe un petit peu, mon cœur ? Et là, la fameuse Brunelda, la soi-disant chanteuse, assise sur le canapé, ou pour être plus précis, remplissant entièrement le canapé, elle est énorme. Elle se plaint de la chaleur qui est pourtant très supportable, mais elle porte des bas en laine épaisse, sans chaussures. Mais qui est ce garçon ? Pourquoi il me regarde comme ça ? C'est un garçon que j'ai ramené pour être ton serviteur. Son serviteur ? Je ne veux pas d'inconnu chez moi. Qu'il s'en aille. Tout à fait d'accord. Mais tu te plains tout le temps de ne pas avoir de serviteur. Bon, il n'est pas encore engagé. Si tu insistes, il s'en va. Avec plaisir. Puisqu'il est là, qu'il reste. Ah non. Écoutez, je suis épuisé. Je n'ai pas dormi depuis au moins 24 heures. En plus, je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve. Alors, laissez-moi dormir quelques heures et demain, vous pourrez me jeter dehors sans la moindre opposition de ma part. Reste. Comme tu peux le voir, nous avons énormément de place ici. Non, s'il ne peut pas nous être utile, qu'il s'en aille. Alors, il se décide ? Qu'il reste. Va te trouver un coin quelque part pour dormir. Mais je te préviens, il n'y a plus de lit. Il peut se mettre sur les rideaux, mais il faut qu'il retire ses bottines pour ne rien déchirer. Et ça, au moment où tu venais juste de t'endormir sur cette petite montagne de rideaux purs. Qu'est-ce que c'est que cette scène ? Dans la pénombre, à peine visible, Brunelda est assise sur son canapé et ses énormes bras entourent complètement de la marche qui se trouve à genoux devant elle. De la marche ! Je n'en peux plus de chaleur. Je suis brûlante. Il faut que je me déshabille, que je prenne un bain. Il faut chasser ces deux-là hors de cette pièce. Dans le couloir, sur le balcon, ça m'est égal pourvu qu'ils s'éloignent. Je vais être seule avec toi et ce n'est pas possible, même chez moi. Fais-les sortir sur le champ. Regarde le culot de ce Robinson qui se pavane en sous-vêtements en présence d'une dame. Et ce garçon qui me regarde d'une manière très bizarre tout le temps. Si je meurs ici et maintenant, ça sera leur faute. C'est comme s'ils étaient déjà dehors, mon cœur. Robinson, Rossmann, debout. Filez sur le balcon tous les deux. Et gare à celui qui rentre avant que je ne l'appelle. Hein? Allez. Ils en mettent du temps. Je vous souhaite une bonne nuit, madame. Donc te voilà, Karl Rossmann. Assis sur le balcon d'un immeuble, en pleine nuit, dans un endroit dont tu ne connais même pas le nom, sans moyen de t'échapper. Et tout cela parce que tu n'as pas voulu suivre les conseils de la cuisinière en chef, les mises en garde de Thérèse, ou bien tes propres doutes. Hé, Rossmann, tu vas dormir jusqu'au petit matin ? Je m'ennuie tout seul et j'ai très faim. Allez, bouge-toi un peu. Sous ton fauteuil, j'ai planqué de la bouffe. Il y en aura aussi pour toi. Je passe les choses au fur et à mesure que je les attrape. Alors, un bout de saucisse toute noire est déjà pourri. Quelques cigarettes. Quoi d'autre ? Une boîte de sardines déjà ouverte dégoulinante d'huile. Des bonbons. Collés les uns aux autres. Du pain dur comme de la pierre. Un flacon de parfum ne contenant certainement pas de parfum. Et pour terminer... Mais pourquoi cacher tout cela, Robinson ? Faut pas mourir de faim, Rossmann. Tu sais... Il me traite comme un chien ici, au point que je commence à en devenir un. Tu veux pas manger quelque chose ? Non ? L'huile des sardines dégouline sur son visage et ses habits. Puis il s'essuie les doigts sur le châle en laine de Brunelda qui se trouve sur le balcon. Peut-être que de me regarder manger, ça te donnera de l'appétit. Enfin, j'ai quelqu'un avec qui parler. Sinon, personne ne me parle ici. À cause de Brunelda qui me déteste. Tu sais, Rossmann, je l'ai même vu nu une fois. Tu es cinglé, Robinson. Très souvent, je suis banni ici, sur ce balcon. Brunelda a envie de dormir, Brunelda a envie de défaire son corset, Brunelda a envie de peigner ses cheveux, n'importe. Robinson, sur le balcon. Quand j'essaie d'écarter un peu le rideau pour voir ce qui se passe dedans, de la marche me donne des coups de fouet. Regarde les marques sur mon visage. Un jour, je me suis mis à pleurer. Eh ben, figure-toi que Brunelda est sortie sur le balcon dans sa robe rouge en me disant très gentiment... Robinson, mon Robinson, ne pleure pas. Puis, elle a pris le bas de sa robe rouge et elle m'a essuyé très doucement la figure avec. Ça m'a redonné du courage. Et j'ai même pensé que c'était plutôt bon signe, que ce serait peut-être bientôt mon tour avec elle. Mais quand je lui ai demandé si je pouvais rentrer dans l'appartement, elle m'a répondu « Certainement pas, tu putes sale, qu'est-ce qui te prend, Robinson ?» Et pourquoi restes-tu s'il en est ainsi ? Toi aussi, tu resteras. Même si on te traite plus mal que moi, tu verras. Non, je vais m'en aller ce soir ou plus tard. Personne ne pourra me retenir. Comment tu comptes partir si t'as pas le droit de mettre un pied dans la chambre ? Comment ça ? Tant qu'ils n'ont pas sonné ? Sonné ? Avant, j'avais le droit de demander à haute voix si je pouvais rentrer. Mais plus maintenant, parce que Brunelda ne l'a pas supporté. Tu sais, elle n'est pas simplement obèse. Elle a de la migraine, de la goutte. Donc, je dois attendre qu'ils appuient sur la sonnette. Tout cela, ça vaut peut-être pour toi, Robinson, mais pas pour moi. D'ailleurs, pourquoi tu ne les quittes pas ? Pour aller à Butterford ou même en Californie chercher de l'or comme tu en as rêvé par le passé ? Alors ça, le pourquoi, c'est une longue histoire. Santé. En fait, si tu veux savoir la vérité, tout a commencé au moment où tu nous as laissé tomber si abruptement, si honteusement, Rossmann. On était perdus de la marche et moi, devenus presque des orphelins, des laissés pour compte au bord de la route. Moi, j'ai cherché du travail, mais de la marche avait d'autres idées. L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zeil-Meyrowitz. Septième épisode. Avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Philippe Bautier, Robinson, Alain Fromager, De La Marche, Catherine Tartarin, Brunelda. Et Julien Barré, Camille Durand-Ovar, Élodie Vincent, Valérie Vinci. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande.